Innocent Bibonimana sur la mise en onde. Bienvenue à cette actualité de ce 18 mars 2021 dont voici d'abord l'essentiel. Le directeur général est chargé du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration des rapatriés au Burundi. Affirme que l'intégration des rapatriés se déroule normalement malgré quelques défis. Il est à noter que juste jusqu'hier, 17 000 réfugiés burundais avaient déjà regagné le pays depuis le début de cette année, vous l'entendrez dans ce journal. Une dizaine de personnes, majoritairement enfants, ont été mordues hier au chef-lieu de la province Kirundo par un chien enragé qui n'est jusqu'ici maîtrisé selon l'autorité communale qui appelle la population à la vigilance. Et l'actualité internationale est dominée par la mort du président John Pombe Magufuli, qui est décédé hier à l'âge de 61 ans, annonce faite par son vice-président Amia Hassan Salhou. Rebonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par cette page nécrologique. L'ex-président tanzanien John Pombe Magufuli est décédé le soir de ce mercredi 17 mars à 61 ans, comme l'a annoncé Samia Hassan Salouhou, sa vice-présidente. La rédaction de la radio Isanganiro revient sur la biographie de cet homme politique qui est devenu à plusieurs reprises ministre avant d'être élu président de Tanzanie le 29 octobre 2015. Pour son premier mandat, le président Magufuli était titulaire d'un diplôme de doctorat en chimie de l'université de Dar es Salaam, selon la constitution tanzanienne. Samia Suluhu Hassan, qui était son vice-président, prendra sa succession pour la période restante du mandat de 5 ans. Les détails avec Obeni Onguru. Tunachelewa kwa mambo yasiyo na msingi. Yanatupotezea muda. Mnahangaika mnaposti kwenye maviposti hivyo venu. Né le 27 octobre 1959, il répondait au nom de John Pombe Joseph Magufuli, titulaire du doctorat en chimie obtenu en 1988. Il était membre du parti Chama Chama Pinduzi, CCM en sigle. Dans sa carrière politique, selon le dictionnaire Wikipédia, Magufuli dirige successivement différents ministères, à savoir celui de l'élevage et la pêche, les terres, le logement et les travaux publics entre 2010 et 2015. Il tire de cette période son surnom de Tinga Tinga ou le bulldozer pour son engagement dans la construction de nouvelles routes. Successeur du président Jakaya Mrisho Kikwete, le président Magufuli est élu sur un programme de reconquête de la souveraineté économique face aux institutions financières internationales. Le président Magufuli est surtout connu pour sa campagne de réduction des dépenses publiques. Dès le lendemain de son investiture, il entame un vaste plan de réduction des dépenses publiques en réduisant notamment de 100 000 à 7 000 dollars les frais de la cérémonie d'inauguration du nouveau Parlement. Il est également à l'origine d'une action pour réduire le budget des événements et des déplacements officiels en limitant le nombre de membres composant les délégations ou encore de la suppression des indemnités de séance des députés et l'annulation de la fête nationale. Afin de montrer l'exemple, il réduit également son salaire de 15 000 à 4 000 dollars par mois et devenant de ce fait l'un des chefs d'État africains à la rémunération la moins élevée. Son mandat se caractérisait essentiellement par une lutte énergique contre la corruption. À partir de la fin du mois de février, il n'était plus vu en public, ce qui a suscité des interrogations quant à son état de santé. Ce 17 mars, la vice-présidente tanzanienne Samia Suluhu a annoncé à la télévision tanzanienne que John Magufuli est mort des suites de problèmes cardiaques à l'hôpital Emilio Mzena à Dar es Salaam où il était soigné. Wanahitaji barabara, wanahitaji elimu, wanafunzi wa chuo kikuu wanahitaji wapata mikopo. Hilo ndio jukumu letu sisi viongozi. Merci à Oben Yonguru pour tous ces détails. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, ayant déjà présenté ses condoléances au peuple tanzanien via son compte Twitter. L'actualité continue sur Isanganiro. Plus de 17 000 réfugiés burundais ont déjà regagné leur bercail depuis le début de cette année jusque ce mercredi 17 mars. La plupart de ces Burundais sont rentrés du Rwanda et de la Tanzanie. Le directeur général est chargé du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration des rapatriés au Burundi. Ayant les affaires intérieures qui fournit ces chiffres, affirme que l'intégration de cette catégorie des Burundais est bonne, même si tout n'est pas rosé. Nestor Imenimana apprécie le rythme du rapatriement et appelle les réfugiés burundais qui restent en exil d'emboîter le pas. Ceux qui sont déjà rentrés, je vous propose de l'écouter. Du 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 17, nous avons déjà accueilli 17 150 rapatriés, donc dans 5 657 ménages. Mais le chiffre de planification pour cette année est de 143 000, autour de 143 000. Nous allons nous battre pour arriver à ce chiffre de planification. Le processus de rapatriement est un processus qui continue et qui est aujourd'hui à un rythme satisfaisant par rapport au passé, bien sûr, malgré le contexte du Covid-19 qui a perturbé notre processus, de façon qu'on a passé du double au simple par rapport aux effectifs que nous devrons accueillir. Ce qui peut prouver que la réintégration est une réalité dans les communautés, c'est que vous pouvez vous-même constater que partout dans tous les coins du pays, il y a la paix, il y a la sécurité. Il peut arriver que des incidents mineurs peuvent arriver, mais cela ne signifie pas que c'est toujours entre le rapatrié, les communautés d'accueil non plus. Donc, c'est toujours des incidents mineurs qui peuvent se passer dans les communautés. Et cela, dans un pays où il y a la paix, il y a la sécurité, d'autres situations n'en manquent pas. Autre chose, vous pouvez constater que partout dans le pays, il n'y a pas le mouvement de retourner en exil. Plutôt, on est en train de rapatrier. Donc, cela aussi montre que nos rapatriés sont intégrés. Mais cela ne dit pas qu'il n'y a pas de défis. Les défis sont d'abord au niveau de la réintégration effective et durable. Pour vous dire qu'on est à l'œuvre pour voir comment faire une réintégration effective et durable des rapatriés. C'était là Nestor Bimenimana, directeur général chargé du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration des rapatriés au ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Plus de 10 personnes, dont la majorité est constituée des enfants, ont été mordus ce mercredi par un chien érangé au centre urbain de Kirundo. Ce chien n'est pas encore tué jusque ce jeudi. L'administrateur de la commune de Kirundo, Viateur Abimana, demande à la population de Kirundo d'être vigilante et de circuler en se munissant d'une matraque. Et pour se défendre contre ce chien et le tuer si possible, le médecin provincial signale que toutes les victimes ont été soignées et ont bénéficié d'un vaccin antirabique. Les détails avec Abraham Safari. 14 personnes, dont la majorité sont des enfants, ont été mordues par un chien enragé ce mercredi au centre urbain de Kirundo. Selon les informations qui nous sont fournies par les victimes, ce chien visait essentiellement le visage. Certains infirmiers de l'hôpital de Kirundo nous ont précisé que le nombre de victimes s'est augmenté surtout à la tombée de la nuit. L'administrateur de la commune de Kirundo, Viateur Habimana, demande à la population de Kirundo d'être vigilant, enfermer les enfants à la maison et surtout de se munir des matraques pour se défendre et si possible tuer ce chien. Quant aux parents ayant des enfants qui vont à l'école, certains ont préféré les accompagner par peur qu'ils peuvent être mordus par ce chien. Le médecin provincial de Kirundo, Louis Nzitunga, signale que les victimes ont été tous soignées et ont bénéficié des vaccins antirabiques. Il demande à toute personne qui serait mordue par un chien de se rendre immédiatement à l'hôpital pour avoir des soins. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safane. Le médecin provincial d'Urmongé, nous sommes au sud du pays, appelle la population de cette province de ne pas se laisser tromper et de répondre massivement à la campagne de vaccination contre la poliomyélite débutée ce mercredi au niveau national. Docteur Jean-Claude Ndikoumasabo, médecin provincial d'Urmongé, demande aussi à l'administration locale de s'impliquer davantage dans la recherche et l'arrestation de toute personne entravant la bonne marche de cette campagne. Ce responsable sanitaire le dit après l'absence au mercredi de tous les écoliers de la maternelle à l'école Mitono. Et l'une des raisons de cette absence serait des rumeurs propagées qu'il s'agit d'un vaccin contre la COVID-19 selon le directeur de cette école. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rendons-nous à Makamba pour parler société. Certaines des femmes de la commune Mabanda, en province Makamba, exerçant le commerce transfrontalier, saluent les formations sur la culture entrepreneuriale bénéficiées de la part des associations œuvrant dans ce domaine. Elles indiquent que grâce à ces formations, elles ont vaincu la méconnaissance relative au commerce transfrontalier et sont parvenus à un travail en commun, chose la plus avantageuse jusqu'au niveau de leur famille. Le spécialiste en entrepreneuriat et gestion des projets souligne que la culture entrepreneuriale est l'une des sources de développement. Les détails avec Jérôme Hakizimana. Il s'agit de Niyokushima Evelyne, l'une des commerçantes transfrontalières regroupées dans l'association Twiyungunganye, dont nous saignons en commune Mabanda. Elle se réjouit d'avoir connu, grâce à ses formations, la gestion du temps dans son commerce. Même son de cloche que ni Magali Seizdoni, qui indique avoir été formée en management de l'argent dans le commerce transfrontalier. Une satisfaction partagée avec Nakutman Alivera, qui ajoute qu'avant ses formations, elle ne voulait pas tirer au clair les revenus de son commerce à son mari, ce qui causait toujours des malentendus dans le foyer. Savoir comment exercer le commerce transfrontalier tout en observant la loi qui le régit, c'est l'un des avantages tirés de ces formations par Sindai Hebura Olive, qui fait de l'importation des produits halieutiques depuis la République unie de la Tanzanie. Depuis lors, elle témoigne que tout va bien et paie régulièrement des taxes exigées à l'OBR. Léonard Bizimana, le spécialiste en entrepreneuriat et la gestion des projets, appelle les femmes à vaincre la peur et entreprendre selon leurs moyens. Souvent, quand on parle de la pauvreté, nous touchons prioritairement la pauvreté mentale, qui est le manque des idées qui marchent. C'est pour cela que, prioritairement, il faut orienter les gens sur le changement d'attitude à travers l'entrepreneuriat, qui est la création de la richesse. Et de montrer qu'il est possible de créer des grandes choses à partir des petites choses et que rien n'est impossible à force de vouloir. Ces formations leur ont été données, surtout par l'association Patno Africa et Afrabou, selon ces commerçantes transfrontalières. Jérôme Hakizimana depuis Mabanda, Radio Isanganiro. Merci à Jérôme Hakizimana de Makamba Cap sur Rutana, la province frontalière. Le pavage des routes de la ville de Rutana, la réhabilitation de la route menant vers les chutes de Changa sont parmi les projets de développement du gouverneur de la province Rutana. Olivier Nibitanga se dit également satisfait de l'état d'avancement des travaux de construction du bureau provincial. Cette autorité provinciale affirme que la sécurité est bonne dans sa province. Suivez-le au micro de Méry Kanyang, traduit en français par Moïse Misako. En premier lieu, la province Rutana est paisible. Quant au développement, le rythme est satisfaisant car nous sommes en compétition pour voir si on peut rattraper le niveau des autres provinces. En tenant compte des potentialités en notre possession, nous sommes en train de construire le bâtiment qui abritera les bureaux du gouverneur et d'autres. Nous avons commencé cela depuis le début de nos fonctions en tant que gouverneur le 17 novembre 2020. Il y a moins de 4 mois dans ces fonctions, mais jusqu'à présent, nous avons essayé. À part ce bâtiment provincial, qu'en est-il des infrastructures routières? À part les routes d'abord, je veux vous dire que nous avons un projet de construire un stade moderne d'ici peu. Les études sont déjà faites et les travaux peuvent commencer d'un moment à autre. Quant aux routes, ce projet date de longtemps, mais nous avons l'espoir. Avec le mois prochain d'avril, surtout les routes du centre de Rutana seront goudronnées et d'autres des pavages. Je pense que les travaux vont commencer avec le mois prochain. La province de Rutana est riche sous différents aspects. Il y a notamment le nickel, les chutes de Mwishanga et autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour en tirer profit? Par exemple, avec les chutes de Mwishanga situées dans la commune Musongati, nous sommes entretenus avec d'autres qu'on doit d'abord tracer une route qui mène à ce lieu touristique pour faciliter l'accès des touristes, puis aménager des maisons touristiques ainsi que des guides. En collaboration avec le ministère sectoriel, on a déjà fait beaucoup de choses, entre autres la formation à l'endroit de la population pour un comportement à adopter. Il y a peu, la culture de palmier à huile a été introduite dans cette province. Quel est l'état d'avancement? Le palmier à huile s'est déjà développé. Nous avons beaucoup d'agriculteurs qui sont à un bon rythme, surtout dans la plaine de Mosso. Et nous voyons que c'est rentable. Auparavant, nous pensions que c'était uniquement pour la province de Rutana. Mais nous voyons que même chez nous, une bonne production est possible et la population s'intéresse à sa plantation qu'elle trouve importante pour elle. C'était là Olivier Nibitanga, gouverneur de la province Rutana. Il était au micro de Mireille Kanyangé. Dernier dossier de ce journal, les artistes qui font le recyclage font face au défi d'avoir les matières premières. Armel Ndaïchimiye, qui fait les bijoux à partir du papier, indique que les produits recyclés ne sont pas beaucoup consommés par la population burundaise. Au moment où chaque 18 mars, le monde célèbre la journée du recyclage, cet artiste apprécie les lois qui sont établies en matière de la protection de l'environnement. On l'écoute. Ce qui n'est pas facile, c'est de trouver les matières premières. C'est difficile de trouver les matières premières parce que c'est pas des choses qui sont facilement vendables. Ils ne sont pas au marché. Nous devons aller les trouver dans les bureaux. On doit d'abord traiter les plantes pour qu'ils ne brûlent pas ça, pour qu'ils ne jettent pas ça, pour les récupérer. C'est ce qui est difficile. Nous qui faisons le recyclage, nous avons l'avantage quand le gouvernement met en pratique les lois qui sont déjà établis, par exemple la loi de ne plus utiliser les emballages en plastique. Cette loi nous a facilité d'avoir accès au marché des emballages en papier. Voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à cela qui vient de nous capter en cours de route. Voici le rappel des titres. Le directeur général est chargé du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration des rapatriés au Burundi. A affirmé que l'intégration des rapatriés se déroule normalement malgré quelques défis. A noter que jusqu'hier, 17 000 réfugiés burundais avaient déjà regagné le pays depuis le début de cette année. Et une dizaine de personnes, majoritairement enfants, ont été mordues hier au chef-lieu par un chien errant et enragé au chef-lieu de la province Kirundo. Et ce chien qui n'est jusqu'ici maîtrisé selon l'autorité communale qui appelle à la vigilance. Et l'actualité internationale, vous l'avez entendu, est dominée par la mort du président tanzanien John Pombe Magufuli qui est décédé hier à l'âge de 61 ans. Annonce faite par son vice-président Amia Hassan Salhu, le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, ayant déjà présenté ses condoléances au peuple tanzanien via son compte Twitter. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Innocent Bonimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bon après-midi à toutes et à tous.